grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Oublie ce que quelqu'un t'a fait du mal dans ta famille et ne continue plus à garder rancune. Réconcilie-toi avec ta sœur. Est-ce que tu comprends? Je parle à toi. Réconcilie-toi avec ta sœur et oublie tout ce qui s'est passé. Parce que c'est dans l'unité que vous allez voir la bénédiction dans votre famille. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton frère, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Philippiens, chapitre 4, versets 18 à 19. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Philippiens, chapitre 4, versets 18 à 19. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. La première vérité, c'est que nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs. Je vais dire à quelqu'un, tu veux voir l'explosion divine, tu veux voir la grâce divine cette année, apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Je parle à toi. Tu es déçu, tu dis oui, je ne peux plus soutenir l'œuvre de Dieu, j'ai été déçu par des serviteurs, par des pasteurs. Écoute-moi bien, tu dois apprendre à discerner. Parmi les serviteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais. Apprends à soutenir ceux qui servent le Seigneur dans la vérité. Est-ce que tu comprends? Nous devons apprendre à soutenir. Regardez ici, c'est l'apôtre Paul qui a bénéficié du soutien des Philippiens. Il était en prison pendant qu'il connaissait des moments difficiles. Les chrétiens de Philippe ont compris que cet homme de Dieu qui s'est dépensé pour eux, qui leur a prêché l'évangile, cet homme de Dieu qui annonçait l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, que Dieu utilisait pour implanter plusieurs églises, avait besoin d'un soutien, un soutien matériel, un soutien financier. Est-ce que nous comprenons cela? Il y a trois jeux de l'apôtre Paul qui démontrent qu'il était soutenu. Trois jeux. Il dit au verset 18, premier jeu, « J'ai tout reçu ». C'est-à-dire que les chrétiens de Philippe ont tout donné à Paul. Quand quelqu'un dit « j'ai tout reçu », on peut imaginer, c'est-à-dire que toutes sortes de bénédictions, « j'ai tout reçu ». Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un homme de Dieu, lorsqu'une servante de Dieu est content parce que tu lui as tout donné, les hommes de Dieu, ceux qui annoncent l'évangile, ils ont besoin par exemple de moyens de locomotion. Si tu as la possibilité de lui offrir une voiture, fais-le. Si tu as la possibilité d'offrir du carburant pour sa voiture, fais-le. Si tu as la possibilité d'offrir un costume, d'offrir le pagne à son épouse, fais-le. Si tu as la possibilité de donner quelque bien que ce soit à quelqu'un qui prêche l'évangile, fais-le. Si tu as la possibilité d'acheter, je ne sais pas, le sac du riz, d'acheter la viande, d'offrir un voyage, fais-le. Paul dit, j'ai tout reçu. Deuxième jeu, il dit, je suis dans l'abondance. Qui a dit que ceux qui prêchent l'évangile ne peuvent pas être dans l'abondance? C'est-à-dire que Paul s'est senti comblé, dit, je suis dans l'abondance. Bien sûr, il a dit avant cela, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'humiliation, tout comme je peux vivre dans l'abondance. Mais il dit ici, je suis dans l'abondance. Et l'abondance dont il parle venait des soutiens des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque Dieu vous donne un pasteur, et que les pasteurs murmurent, les pasteurs sont dans les besoins, ses enfants ne fréquentent pas de bonnes écoles, votre pasteur n'est même pas assuré alors que vous avez le moyen de le faire, ce n'est pas bon. Paul dit, je suis dans l'abondance. Il faudrait que la maison de votre pasteur, la maison de votre papa spirituel, de votre maman spirituelle, ait toujours de quoi manger et de quoi boire. Il doit être dans l'abondance. Troisième jeu, il dit, j'ai été comblé de biens. Vous voyez, j'ai été comblé. Quand quelqu'un dit j'ai été comblé, ça veut dire qu'il a vu la main de Dieu. Parce que les chrétiens étaient généreux. Les gens ont appris à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir ses serviteurs. Vous voyez, apprenons à soutenir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, comme l'apôtre Paul qui marchait dans la sanctification, qui prêchait l'évangile, que son ministère avait porté des fruits. Deuxième vérité, nos offrandes doivent avoir deux qualités. Lorsque nous offrons quelque chose au Seigneur, première qualité, c'est comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, il est dit aussi au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Vous voyez les parfums. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des parfums, il y a parfum et parfum. Mais ici, on parle d'un parfum de bonne odeur. Il y a des parfums qui dégagent des odeurs bizarres. Lorsque ton offrande est faite avec un cœur pur, dans de bonnes dispositions, ton offrande ressemble à un parfum. C'est un parfum qui dégage une odeur agréable, qui réjouit les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu, qui réjouit surtout le cœur de Dieu. Vous voyez, une offrande, un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Je vais parler à quelqu'un. Ce n'est pas la peine de donner quelque chose à Dieu, de donner une offrande et tu es en train de murmurer. Non, ce ne sera pas une offrande, un parfum de bonne odeur. Non, Dieu veut que notre offrande soit comme un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que tu le donnes dans de bonnes dispositions. Lorsque, par exemple, tu soutiens un serviteur de Dieu, une œuvre de Dieu, tu ne dois pas commencer à publier pour que tout le monde le sache. Si tu le fais pour que les gens te glorifient, pour que tu sois vu, non, ce n'est pas un parfum de bonne odeur, mais tu dois le faire dans le secret, pour que le Seigneur qui voit dans le secret puisse agréer cela, vous voyez. Deuxième qualité, on dit, ça doit être comme un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Il est dit comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types d'offrandes. Il y avait un type d'offrande qu'on appelait offrande d'action de grâce. C'était une offrande que l'on donnait pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Quand Dieu, par exemple, t'a béni, quand Dieu t'a soutenu, quand tu as vu le soutien de Dieu dans tes affaires, hein, tu as eu, par exemple, le 13e mois, tu as vu ton capital s'accroître, tu as eu un grand marché, tu dois prendre une offrande spéciale, comme une offrande d'action de grâce, pour lui dire merci. Vous voyez? Donc, comme un sacrifice qui lui est agréable. Mais un sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est d'abord ta propre vie. C'est pourquoi Paul va dire dans l'épître aux Romains, dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Si toi-même, là, ta vie n'est pas encore consacrée à Dieu, tu ne t'es pas encore offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, même ton offrande, ce n'est pas ton offrande qui va séduire Dieu. Donc, il faut que cette année, toi-même d'abord, tu te consacres à Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, que ta vie soit un sacrifice vivant, sain et agréable, et ton offrande sera aussi agréable à Dieu. Est-ce que tu comprends? Troisième vérité, ce sont les promesses qui sont liées à cet acte de donner, c'est-à-dire pour ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, pour ceux qui soutiennent des serviteurs de Dieu. Écoutez ce que Paul dit, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de citer ces versets, mais sans comprendre le contexte. Le contexte, c'est-à-dire, c'est dans la mesure où nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous soutenons ses serviteurs, que maintenant, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Est-ce que tu comprends, ma sœur? C'est ça le secret. Lorsque tu apprends à soutenir l'œuvre de Dieu, tu apprends à soutenir les vrais hommes de Dieu, les vrais servants de Dieu. Ils vont prier pour toi et ça va déclencher une bénédiction. Vous voyez, c'est Paul dit « Eh mon Dieu ». Pourquoi il commence par « et » C'est-à-dire « en conséquence ». C'est-à-dire « comme vous m'avez soutenu, je déclare une bénédiction. Je déclare que mon Dieu, c'est-à-dire le Dieu que moi, Paul, je sers, le Dieu que moi, je sers, je proclame sa parole. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Donc, non seulement c'est une promesse, mais c'est une sorte de bénédiction que Paul déclare. Il dit « mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Je ne sais pas. Il y a des offrandes qui peuvent déclencher le mariage, l'enfantement, parce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Et ce Dieu dit, il pourvoira à tous tes besoins. Il y a des offrandes qui peuvent déclencher, oui, l'ouverture des portes de visa, des portes de voyage, des marchés. On dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Attention, Paul ne dit pas ici qu'il faille acheter. Ce n'est pas que voilà, moi je viens offrir pour acheter le mariage. Non, ce n'est pas ça. Nous avons vu que nous donnons à Dieu de tout notre cœur comme une offrande agréable et en conséquence comme résultat Dieu lui-même pourvoit maintenant. Il pourvoit à tous tes besoins. Oui, cette année, je vais dire à quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui soutient la radio Fréquence Vie. Je vais dire à quelqu'un, tu es ami de Fréquence Vie, que mon Dieu, le Dieu de Fréquence Vie, pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse. Vous voyez, je vais insister sur les deux expressions. Selon sa richesse. Dieu ne dit pas qu'il va pourvoir à tes besoins selon ton salaire. Ton salaire même là, ça n'arrive même pas à couvrir les débuts du mois. Il dit, il va pouvoir selon ta richesse. C'est pourquoi n'aie pas peur de ces projets. Je sais que tu veux construire ta maison. Tu as déjà le terrain, tu n'as même pas de quoi commencer. Mais le Seigneur dit, il va pouvoir à tes besoins. Ta maison là, avec le peu que tu as, commence déjà à acheter des briques. Est-ce que tu comprends? Comment? Dieu va pouvoir, ta maison là va finir cette année. Parce que tu soutiens son œuvre. Je déclare cela. Tu vas entrer dans ta maison. Ta maison sera achevée au nom de Jésus. Parce que mon Dieu, le Dieu de fréquence, vie, le Dieu des OSB pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. La richesse de Dieu est grande, elle est innombrable. Ne compte pas sur ton salaire, ma soeur, ne compte pas sur le salaire de ton mari. Compte sur les richesses divines qui sont inépuisables. La Bible nous dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Deuxième expression, on dit mon Dieu pourvoira à tous tes besoins avec gloire en Jésus. C'est-à-dire, la finalité, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta propre gloire. Donc, lorsque Dieu va te bénir, va t'élever, ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Tu dois rechercher toujours sa gloire. On dit, avec gloire en Jésus. Afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Il est merveilleux. Je voudrais que nous puissions lui dire merci en chantant ces cantiques. Alléluia. Élève ta voix. Commence à bénir l'Éternel pour toutes ces promesses qu'il te donne ce matin. Dis-lui, Seigneur, je crois que tu pourvoiras parce que tu es le Dieu fidèle. Tu t'appelles Yahvé Jiré. Amen. Je rappelle que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Nous prions chaque 5 heures, temps universel. Oui, le passage du jour, c'est Philippiens 4, 18 à 19. Ce passage nous montre notre devoir en tant que chrétien de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir ses serviteurs comme les Philippiens ont compris. qu'il fallait soutenir l'apôtre Paul, celui qui leur a prêché l'évangile. Voilà pourquoi dans certaines églises, dans certaines communautés, ils ont institué par an une journée spéciale pour soutenir leur papa spirituel, leur maman spirituelle, leur pasteur, pour lui apporter des dons. Tu vas prier le Seigneur pour qu'en ce début d'année, qu'il te donne l'opportunité de soutenir un homme de Dieu, une servante de Dieu, une œuvre divine, selon que le Seigneur lui-même va te conduire. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sois loué, sois glorifié, merci parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui nous parle encore. Et le psaume 105, à partir du verset 9, dit « L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. » Merci Père, parce que tu as fait de nous des hommes d'alliance pour soutenir tes serviteurs. Merci parce que nous sommes en alliance pour donner et donner pour l'avancement de ton œuvre, pour l'extension du royaume, pour l'évangélisation, pour les actions sociales. Aujourd'hui encore, tu nous interpelles de faire mieux, de donner à un serviteur, à notre pasteur, de soutenir notre pasteur, de soutenir notre berger, de soutenir notre guide spirituel. Père, que notre cœur soit favorable à obéir, car c'est une alliance éternelle. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci parce qu'en ce jour, beaucoup de tes enfants prennent l'initiative de soutenir leur pasteur. Merci, papa, pour ces familles qui se décident aussi de le faire. Merci parce que les dons, les soutiens financiers, matériels sont orientés vers les serviteurs de Dieu. Merci et merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que plusieurs aussi se souviennent de la radio fréquence vie. Merci Saint-Esprit pour ton action dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que nos offrandes doivent avoir deux qualités. Ça doit ressembler à des parfums de bonne odeur. C'est-à-dire, nous les donnons dans de bonnes dispositions de cœur. Nos offrandes doivent être agréables, un sacrifice que Dieu accepte. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos vies là, lorsque nous donnons notre offrande, notre vie d'abord doit être une offrande agréable. Tu vas prier le Seigneur pour dire « Seigneur, je voudrais d'abord que moi-même, je me consacre à toi comme une offrande, comme un sacrifice agréable à toi. Et que mon offrande, tout ce que je vais te donner cette année, ça soit vraiment des sacrifices que toi tu agrées comme une offrande, un parfum de bonne odeur. » Prions le Seigneur au nom de Jésus. Toi la gloire, notre Dieu, notre Père, le Dieu trois fois saint, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le monde. Et le septième jour, il a vu que tout ce qu'il a fait était très excellent, très bon. tu dois recevoir des choses de qualité. Ce matin, tu dis dans Malachie chapitre 1 à partir du verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi t'avons-nous méprisé? Nous te demandons ce matin pardon. Quel genre d'offrande nous t'offrons? Quel genre de bien nous t'offrons? Quel genre de corps nous t'offrons? Quel genre de prière nous faisons monter vers toi? Nous voulons t'offrir des sacrifices excellents, des sacrifices de bon cœur. Notre Dieu, notre Père, que cette année, que notre vie soit une vie de sainteté, un corps de sainteté. Notre Dieu, notre Père, les offrandes que nous t'offrons, nos dîmes, nos offrandes, nos dons volontaires, tout ce que nous apportons dans ta maison, que cela soit fait, ô Dieu, d'un cœur saint, notre Dieu, notre Père, nous t'offrons nous-mêmes. Merci Père, au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir la promesse divine. Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Je ne sais pas quel est ton besoin cette année. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu accomplisse? Quel est ton projet cette année? Tu vas prier. Seigneur, voici mon besoin ou voici mes besoins. Cette année, je veux que tu bénisses mes études. Je veux que tu donnes diplôme à mes enfants. Je veux que tu me fasses entrer dans les mariages. Je veux que tu m'accordes la promotion. Je veux que tu étends mes limites. Je veux que tu m'accordes une maison. Je veux que mon projet de déménagement, de regroupement familial en Europe pour rejoindre mon mari s'accomplisse. Il pourvoira. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ce matin, je voudrais élever le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Je voudrais apprécier le Dieu qui a pourvu pendant 40 ans avec le peuple d'Israël dans le désert. Je voudrais faire confiance au Dieu qui a pourvu avec la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Je voudrais élever le Dieu qui a pourvu et a changé le nom d'Esther. C'est ce même Dieu que j'invoque ce matin. C'est pour cela, Père, je prie que tu pourvoies au dessein de tes enfants. Nous avons les yeux orientés vers toi pour que tu nous donnes le visa que nous escomptons, pour que tu nous donnes, Seigneur, ce marché. Père, cette année, nous croyons en toi pour l'enfantement. Nous croyons en toi pour débloquer notre histoire de terrain qui dure depuis longtemps. Père, cette année, nous prions que tout esprit démoniaque qui érige une maladie en nous soit neutralisé, soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, nous prions que tu pourvoies à la guérison, que tu pourvoies à la santé divine de tes serviteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons encore une fois que tu es capable de faire de pouvoir dans la vie de ma sœur pour lui donner le succès à son examen. Merci d'ouvrir une porte d'emploi. Merci de donner, Seigneur notre Dieu, le travail miracle. Merci d'amener quelqu'un de CDD en CDI. Merci pour tes diverses actions positives dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que ce dimanche, nous aurons notre deuxième rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Avec le même thème, lève-toi pour entrer en possession de ton mariage. L'entrée est libre, ce sera au CPE à 17h. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.